Mangeur de pierre, gars. Mangeur de pierre, c'est sur la taxe qu'on fait toutes nos affaires. J'en ai ras-le-bol de bouffer de la bavasse. À la place des billets dans mes poches, c'est de la crasse. Dans le monde défortuné, je crois que j'aurai jamais ma place. Les beaux gens se questionnent pourquoi les A ne sont pas actifs à 100%. Car notre sang n'a pas envie de couler pour des bullshit bon gens. Je préfère avoir comme repas des cailloux que de faire le pitre en costard pour un patron toujours en colère. Ah, mangeur de pierre, ah, fan du pédo pour se sortir de leur calvaire. Oh, ah, les gars t'ont pratiquement sur toutes mes affaires. Mais où j'ai trouvé l'argent? Question l'argent réfléchissant. Peut-être dans la poche des gens. Je suis le crève et la faim. Le vrai qu'on fout. Je suis un mangeur de pierre, gars. Mangeur de pierre. Mangeur de pierre. Mangeur de pierre. Et sur la taxe, on fait toutes nos affaires. J'ai démarré dans la vie avec des choses qui ne venaient pas faire. Mangeur de pierre. Et sur la taxe, on fait toutes nos affaires. J'ai démarré dans la vie avec des choses qui ne venaient pas faire. Je ne veux pas dans mon milieu. Des nœuds, je m'accroche au pleurat et ne dérape pas comme un pneu. Trop de correspondance dans ma direction. Depuis le jour de ma naissance, aucune bonne action. Devant la richesse de certains, je reste bouche bée. La richesse de l'esprit en difficulté. Oh les bifetons, je suis trop content d'en avoir. Et merde, ils me quittent sur un coup de tête. Même si je suis haut, un petit peu barge. Y'a trop de pites à la maison, il faut que je décharge. Mais où, où sont les yaya? Mais où, où sont mes clients? Y'a trop de trucs à refourguer, pratiquer cargouler. Mais d'où vient cet étrange appétit pour cette matière rocheuse? Nous le demandons bien. Fréconinga. Mangeur de pierre, et sur la taxe qu'on fait toutes nos affaires. J'ai démarré dans la vie avec des choses qui ne venaient pas faire. Mangeur de pierre, et sur la taxe qu'on fait toutes nos affaires. J'ai démarré dans la vie avec des choses qui ne venaient pas faire. Pas les pattes, quand tu vois le fou ou le fréconbat. Ma clim n'a pas besoin de pratiquer cargouler. Les bidons sont mes pigeons, elles se mettent à roucouler sous la tension. De mon phrasé, beaucoup de scarla ont péri. La péri, série de mon texte. Beaucoup de scarla ont pourri. C'est la pénurie, plus de tambo. Et plus de que pour les A. Oh, les quartiers deviennent de plus en plus malfamés. Devant les deux bons plans, je suis affamé. Que d'Afrique au fond, oh. Mangeur de pierre, et sur la taxe qu'on fait toutes nos affaires. J'ai démarré dans la vie avec des choses que je venais pas faire. Mangeur de pierre, et sur la taxe qu'on fait toutes nos affaires. Mangeur de pierre, gars, 91-350. Mangeur de pierre, gars, 91-600. Mangeur de pierre, gars, 64-019. Mangeur de pierre, fréco, fréco, deck. Mangeur de pierre, gars, à tes gars. Mangeur de pierre, gaillard. Dégagez la mort, dégagez la mort. Aïe, aïe, aïe. Cyanure, gueudin. Fréco, fou, gueudin. À tes gars, gars. Mangeur de pierre.